En l'absence de Thomas Croisière, les amis, que l'on a envoyé prendre des cours de chant cette semaine, voici un référent de la pop culture, et donc, entre autres, du cinéma, Frédéric Sigrist. Eh oui, bonjour Charline. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, on vous a peut-être pas dit, mais je vais choisir de parler d'Alien, de Ridley Scott, parce que tout le monde se souvient de cette phrase d'accroche culte, « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Ce qui est tout de même assez con comme phrase, parce que dans l'espace, personne ne vous entendra tout court. Et pas d'air. C'est sûr. Mais bon, ça reste un slogan hyper efficace. Après, il n'y a pas que dans l'espace qu'on vous entendra pas crier. Hein. En dessous du RSA, personne ne vous entendra crier. Au GIEC, personne ne vous entendra crier. Dans le bureau de PPDA, tout le monde fait semblant de pas vous entendre crier. Hein, on reste dans la thématique du film d'horreur. Si je vous parle d'Alien, c'est que ce film est très souvent cité comme exemple de la bonne manière de mettre en scène une femme forte à l'écran. Cité par des hommes qui ont souvent des reproches à faire sur la représentation des femmes fortes à l'écran. Oui, parce que il y a des hommes, en ce moment, ils sont fâchés. On dirait Aymeric Lomprey avec la propreté. Ou Vincent Bolloré qui vient de lire un livre de Guillaume. C'est compliqué d'être un homme aujourd'hui. Hein. Elle a raison, Elisabeth Banater. Hein. D'ailleurs, après la gifle, on n'a pas pris assez de nouvelles de la main d'Adrien Quatennens. Comment qu'elle va? On peut même plus regarder un blockbuster tranquille désormais. Ils sont tout déconstruits. Ils mettent des femmes partout. Alors, il y en avait déjà avant, mais elles attendaient sagement, en isette, chaude comme un barbecue de bonhomme allumé en frottant deux pénis l'un contre l'autre, d'être sauvées par Sean Connery ou Harrison Ford. Là maintenant, genre, elles font des trucs, et des fois pire, elles le font mieux que les hommes. James Bond, il est saoul comme un soldat russe, il a fait 3 tonneaux en Aston Martin, il arrive quand même à désamorcer une bombe en se faisant tirer dessus, ça choque personne. Une meuf dans un film aujourd'hui ouvre une porte toute seule, il y a des mecs sur internet qui vont demander à Jamie de C'est pas sorcier de démontrer que c'est scientifiquement impossible. T'es un gaillard viril, tu peux même plus regarder la petite sirène, peinard. Elle est noire maintenant, la petite sirène. Alors que franchement, tout le monde sait qu'un noir sous l'océan, c'est un crabe qui chante avec la voix d'Henri Salvador. Heureusement, il y a Alien. Selon eux, Ripley, le personnage joué par l'actrice Sigourney Weaver, serait l'exemple d'un film parfait où on n'est pas obligé de vous balancer toutes les secondes qu'elle est une femme qui doit se faire une place dans un monde d'hommes. Et je dois avouer que c'est vrai. Dans Alien, on se fout que l'héroïne soit une femme tout simplement parce que Dan O'Bannon, le scénariste, a écrit ce personnage sans le genrer. Pour lui, l'équipage du Nostromo, c'était avant tout des ouvriers, des routiers de l'espace, les rôles étaient interchangeables, ils n'avaient pas choisi. De plus, pour Ridley Scott, on était dans le futur, donc aucune raison pour lui d'imaginer qu'on sera encore en train de se prendre la tête sur des sujets pareils. D'ailleurs, le personnage de Lambert, l'autre femme de l'équipage, jouée par Veronica Cartwright, était une femme transgenre et ça n'a pas soulevé non plus le début d'un soupçon de débat. Et finalement, le féminisme d'Alien est beaucoup moins lié au personnage de Ripley qu'à l'Alien lui-même. Parce que quelle est la finalité de cet extraterrestre dégueulasse, à la bouche rétractile, à qui son créateur, le dessinateur suisse H.R. Giger, a voulu donner consciencieusement la forme d'un phallus? Oui, Charline, le xénomorphe d'Alien, c'est une grosse teub avec des jambes. Et quelle est la finalité de ce monstre mythique du cinéma? Eh ben, disons les choses clairement, le viol et la reproduction. L'Alien, c'est le Harvey Weinstein de l'espace. L'Alien a traumatisé toute une génération de spectateurs, car c'est un monstre qui viole aussi bien les hommes que les femmes. Le fameux facehugger, vous savez, cette araignée qui sort des œufs d'alien et qui s'enroule de force autour de votre cou pour vous pondre dans la bouche. J'ai pas fait la fémis, mais ça m'a pas l'air d'être une allégorie pour les pastilles Vichy. Hein. L'alien qui perfore l'abdomen de Kane, joué par William Hurt à la fin du repas sur le Nostromo, dans cette scène devenue culte, scène pour laquelle Ridley Scott n'avait pas prévenu ses acteurs pour capter l'authenticité de leur réaction, cette scène résume ce que représente cette créature, des grossesses imposées. Pour la première fois au cinéma, des hommes étaient confrontés à l'angoisse d'être engrossés par une créature, vision cauchemardesque du zizi dont ils sont habituellement si fiers. Et Ripley, elle, sur l'ensemble des films de la saga, est une femme qui se bat pour le droit de disposer de son corps et qui refuse une grossesse qu'elle ne désire pas. Les masculinistes ont raison, Ripley n'est pas un personnage féministe, c'est toute la saga Alien qu'il est. Et des Ripley sur Terre, il y en a des tas. Celle qui en Iran en ce moment refuse de devoir imposer un voile, celle qui aux États-Unis et ailleurs veulent avoir le droit de choisir d'être mère ou non. La seule différence, c'est que sur Terre, si vous êtes une femme, tout le monde vous entendra crier. Malheureusement, c'est pas dit qu'on vous écoute. Frédéric Sigrist, bam! Merci Frédéric. On peut réécouter toutes les chroniques en podcast, en baladodiffusion. Quelle bonne idée de regarder Alien, Alexandrine Rousseau. Ça vous a complètement ouvert. Merci beaucoup Frédéric.